bénédiction éternelle, puisque non, mais au la vie, pendant mon pèlerinage, laisse-moi marcher avec toi, près de toi, près de toi, près de toi, auprès de toi, pendant mon pèlerinage, laisse-moi marcher avec toi. Ma prière ne sera jamais pour les plaisirs de ce monde. Oui, je souffrirai avec joie, laisse-moi marcher avec toi, auprès de toi, près de toi, près de toi, auprès de toi. Oui, je souffrirai avec joie, laisse-moi marcher avec toi. Guide-moi dans la vallée d'ombre et sur les vagues de la vie. Puissance dans la vie éterne. Entrez vers toi, Seigneur, auprès de toi, auprès de toi, auprès de toi, auprès de toi. Puissance dans la vie éterne, entrez toi, Seigneur. Bienveillant Père Céleste, Dieu merveilleux, Dieu de grâce et de vérité. Nous venons devant toi au nom merveilleux de Jésus-Christ pour t'adorer. Encore une fois, glorifier ton nom. Exprimer notre reconnaissance du plus profond de notre cœur pour cette année 2021 qui s'achève pour nous parmi les vivants sur terre. Il aurait été si bon au courant de cette année qu'il nous a guéri de diverses maladies, qu'il nous a épargné de divers dangers, qu'il nous a réveillé de multiples sommeils. Quand nous dormions, nous ne savions même pas quand et où nous réveillerons, dans quelles conditions. Mais tu as été le bon berger pour nos cœurs. Il a veillé à notre sécurité. Il nous a donné de quoi manger, de quoi vêtir, au Seigneur, quoi boire, tout le long de l'année. Nous sommes à l'avant-dernier jour de l'année. Et nous sommes venus pour t'adorer. Ceci est le dernier service d'adoration publique ici à l'église pour le compte de cette année 2021. Et ça n'a pas été fermé, mon Dieu. De la part de quelqu'un d'entre nous ici, nous te prions de pardonner, de presser notre conscience, de nous éveiller absolument, pour que nous soyons plus attentifs, pour que nous puissions t'offrir le meilleur de nous-mêmes, sans ingratitude, ni indifférence, ni insensibilité, mais que nous soyons très reconnaissants, attachés à toi, et persévérants au quotidien. Reçois l'adoration de chacun, les prières plus sincère. Reçois-les au nom de Jésus-Christ et change tout ce qui doit changer dans nos vies. C'est toi le guérisseur, C'est toi le sauveur. C'est toi le libérateur. C'est toi le tout suffisant. Tu es le souverain. Et la gloire te sera rendue éternellement. Et tu sors de nos cœurs maintenant. À mieux faire chaque jour. À nous humilier devant ta grandeur. Pour que tu fasses encore mieux qu'avant. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu en guise d'exhortation ici ce soir. Acte des Apôtres, chapitre 17. Nous lisons le verset 24-25. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Zambe oyo asalaki mokili na biloko yonso na kati na yango. Yewana ajali kolo na likolo mpe na se. Pe akofandaka na bisambelo bisalemi na maboko na bato te. Maboko na bato mpe makosalelaka ye te. Lokola soko ye ajali na bosenga na eloko. Po ete ye moko akopesa bato yonso bomoi. Na pema na biloko yonso. À Timothée chapitre 6. Verset 13-15. En Timothée chapitre 6, verset 13-15. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses. Et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qui manifestera en son temps le bienheureux et le seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Najali kolaka yo na miso na Nzambe oyo akopesa kabomo na biloko yoso, pe na miso na Kristo Yesu oyo ayambolaki eyambweli malamu liboso na Ponti Pilata, ete yo obatela likabo na litono mpe na efundeli te kino komonana na nkolo na biso Yesu Kristo. Oui, akomonisa yango na elaka na ye moko, ye mokonzi moko na lokumu, mokonzi na mikonzi, kolo na mikolo. Que Dieu bénisse la lecture de sa sainte parole. Et veuillez vous asseoir au nom merveilleux du Seigneur Jésus-Christ. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette table du Seigneur. Et nous souhaitons à chacun de vous, croyants et auditeurs, une bonne fin d'année. Pendant cette période, il y a des agitations des esprits. Et des sacrifices même sont en train d'être consommés par les partisans des sciences occultes, les petits clubs de sorcellerie, de la magie et de scepticisme. Ils font des coups bas contre les semblables. Mais toi, par la grâce de Dieu, tu n'as pas suivi ce chemin-là. Tu n'es pas non plus leur victime. Mais par la grâce de Dieu, tu es un adorateur devant le Dieu vivant. Et tu passes ta vie dans la transparence devant Dieu qui te voit. Dieu qui te connaît. Et lui qui prend soin de toi. Que son nom soit béni. Notre exhortation ce soir. Une brève exhortation. Mais il y a beaucoup à dire en réalité. Néanmoins, l'exhortation de ce soir. C'est intitulé Dieu souverain qui ne dépend de rien. Dieu souverain qui ne dépend de personne. C'est le Dieu dont vous avez entendu parler dans votre vie. À travers le message biblique du temps de la fin. Dieu qui s'est manifesté dans le ministère du prophète William Branham. Dieu qui s'est manifesté dans toutes les générations et tous les âges. Dieu immuable et souverain. Il ne dépend d'aucune créature pour faire ce qu'il a à faire, pour dire ce qu'il a à dire, pour réaliser ce qu'il a promis, pour bénir ses croyants, pour visiter son peuple, pour délivrer et sauver, pour guérir et bénir. Il ne dépend de personne. Il est réellement souverain. Je crois que dans nos cœurs, nous reconnaissons cette souveraineté-là. L'apôtre Paul en parle ici. Dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 15, il a dit que Dieu était bienheureux. Il est bienheureux. Notre Dieu, ton Dieu est bienheureux. Il ne sert pas un Dieu malheureux. Un Dieu incertain. Un Dieu tantôt plus tôt. Mais le Dieu que tu sers, que tu crois, est un Dieu bienheureux. Et de son état que toi tu dépends. Et ce qu'il est, toi aussi tu auras un tisserat. De ce que lui ton Dieu est, tu as l'espoir et tu es justifié d'avoir de l'espoir dans ce que tu seras. Même si au départ tu étais malheureux, mais parce que tu t'approches d'un Dieu bienheureux, certainement que son état t'influencera, son état t'atteindra, ça te marquera, et toi-même tu en seras témoin, et tous ceux qui te connaissent, qui t'ont connu, ils verront que quelque chose change du jour au lendemain dans ta vie. Parce que tu es soutenu par une force qu'aucune main ne peut contrôler. Tu es soutenu par un Dieu que personne ne contrôle. Le Dieu souverain n'est contrôlé par personne. Il n'est jugé par personne. Et il ne dépend de rien. Il fait tout ce qu'il veut. L'apôtre Paul dit, je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses. Déjà cette pensée qu'il énonce là à Timothée, qui était l'évêque de l'église d'Éphèse. La même pensée Paul l'a dite à Athènes. Mais un peu en d'autres termes, si nous devons parler brièvement, dans Actes 17 que nous avons lu ici, il a dit, verset 25, il n'est point servi par des mains humaines. C'est le même Dieu dont il est question. Il n'est point servi par des mains humaines. Comme si il dépendait quoi que ce soit pour être servi, pour survivre, pour fonctionner, pour parler, pour manger, pour marcher, Dieu ne dépend de rien. Il est souverain. Voyez-vous ça? Quand Paul parle comme ça, et qu'il poursuit, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie. C'est le même langage que nous entendons chez Timothée. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à tous. Le Dieu là qui donne la vie à tous. Il est dit de lui ici dans Actes 17, verset 25. C'est lui qui donne à tous la vie. Ils ne voyez-vous pas que c'est la même pensée? Là, il donne la vie à toutes choses. Et ici, il donne à tous la vie. Tout ce qui respire, c'est de lui qui ça reçoit vie. Il vit dépendre de Dieu. Il lui retire la vie, la vie. C'est ça la différence. Mais lui, Dieu ne dépend pas de toi pour vivre. C'est lui qui donne à tous la vie. La respiration. Et toute chose. Même tout ce que ce soit doit avoir. Recevoir. C'est de Dieu qu'il reçoit ça. Que l'ignorance ne te garde pas. Que l'ignorance ne t'éloigne pas du vrai Dieu. Parce que l'univers possède un créateur. Et ce créateur est le véritable propriétaire de toutes choses. Et pour que tu en disposes d'une manière ou d'une autre, il faut que ce propriétaire unique là le veuille bien ou le permette. Que tout ce qui respire reconnaisse Dieu. Que tout ce qui respire craigne l'Éternel notre Dieu. Que tout ce qui vit reconnaisse les droits de Dieu. Êtes-vous là? Donc ce Dieu-là n'est pas servi par des mains humaines. L'apôtre Paul en disant ça, il était un croyant lecteur de l'Ancien Testament. Il sait que les prophètes de l'Ancien Testament ont dénigré les idoles comme pas possible. Ils ont eu à dénigrer les gens. Elles ont une bouche, mais ne parlent pas. Elles ont des mains, mais ne peuvent rien toucher. Elles ont des yeux, mais ils ne voient rien. Les idoles n'étaient que néant. Maintenant, comparativement aux idoles, notre Dieu à nous est un Dieu redoutable. Souverain et indépendant. Car rien ne peut contrôler les idoles. Est-ce que tu reconnais ça? Lorsque lui, Dieu parle de lui-même, écoutez en quel langage il est ici, Esaïe 43, quand il parle de lui-même, Esaïe 43, il dit ceci, le verset 10 à 13, vous êtes mes témoins de l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous les sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Yahweh a dit ceci, bino mojali batato li nangai, pe mombo nangai, oyo nasili kopona yo. Et boye bampe bondi mangai. Avant moi, il n'a pas été formé de Dieu. Qui dit amen? Non, alors il vous le bongo. Liboso nangai nzamba salema kite. Donc avant notre Dieu, il n'existe rien qui ait été formé et qui mérite d'être Dieu. Liboso nzambe ezala nzambe mosusu azala kite pe azangina mapokete azala nzambe. Avant que ce Dieu ne se révèle à vous. Liboso nzambe wana mimoni sali boso na bino. Sachez que tout ce que vous avez essayé de servir dans votre passé. Oui, bah, ce n'était pas de vrai Dieu. Ezala ki bazambe a solo ke. Ne prenez pas ça dans le sens que Dieu a eu un moment où il y a eu avant lui, où lui n'existait pas. Vous en ce n'est pas dans le sens de avant son existence, parce qu'une chose comme avant l'existence de Dieu n'existe pas. Et là, Dieu a toujours existé. Mais ici, il parle à son peuple, à ses croyants, à ses fidèles, parce qu'il s'est révélé à eux à un moment donné de leur vie. Il les a rencontrés pendant leur parcours. Mais avant que eux ne les rencontrent, eux ne connaissaient pas ce Dieu. Mais là, Dieu va dans cette époque-là avant que eux ne les connaissent. Et alors, il leur dit, avant moi. Alors, il n'a pas été formé de Dieu. Vous êtes mes témoins. Vérifiez tout ce que vous avez servi avant moi. Et est-il vraiment de Dieu? La réponse celle sera non. Le Dieu véritable est le Dieu d'Israël. C'est le Dieu de la Bible, l'unique souverain. Avant que tu le connaisses, il n'y a point de Dieu possible. Et puis il dit, après moi, il n'y en aura point. Donc, si vous me tournez le dos, si vous m'abandonnez, rejetez, sachez que où que vous alliez, vous n'aurez point de vrai Dieu. Essayez de vous donner raison, de vous glorifier, sachez que quand vous me tournez le dos, vous me quittez, c'est fini pour vous. Vous n'avez plus de Dieu. Encore là, ne prenez pas ça dans le sens que Dieu a un temps où son existence cessera et qu'après lui là, comme lui sera mort, inexistant, donc il n'aura plus de Dieu. Pas dans ce sens-là. Vous avez la qui n'a si yanzambe kobika. Alors, il dit, c'est moi qui suis l'Éternel. Et à part moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé. Sauvé. Prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins de l'Éternel. Dieu les prend à témoin leur conscience et leur cœur. Ils avaient un autre Dieu à produire avant eux qu'ils les fassent devant ce Dieu véritable. Et Dieu les confondrait aussi. Il dit, vous êtes mes témoins de l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement. Et nul ne délivre de ma main. Voyez-vous à quel point il ne dépend de rien? Nul ne délivre de sa main à lui. Dieu de la Bible, notre Dieu. Il vous possède ce qu'il vous possède. Et plus fort que Dieu, pour vous arracher aux mains de Dieu, il n'y en a pas. Et il n'y en aura jamais. C'est lui seul Dieu souverain. Tu peux attirer et tu peux relâcher. C'est quand lui te lâche que tu te retrouves sans soutien de Dieu. Mais si lui te tient, personne ne peut te délivrer d'entre sa main. Et personne ne peut t'arracher de sa main. Je dis bien personne. Même pas Lucifer, ni aucun magicien, aucun sorcier. Quand c'est Dieu qui te tient, c'est que tu es vraiment tenu. Que dit Amen. Est-ce que tu es sûr de le savoir? D'avoir un Dieu sûr et certain. Pas un Dieu tant plus tôt. C'est Dieu à qui te confier. Si tu comptes apprendre d'être confondu de quelque manière, tu ne seras jamais confondu. Nul ne délivre de ma main. Et puis il dit, j'agirai, qui s'y opposera? Lorsque lui Dieu veut agir, dites-moi, qui peut s'opposer et réussir à empêcher Dieu de faire ce qu'il veut faire? Lucifer? Des grands marabouts? Dieu veut travailler un petit marabout qui n'a qu'un petit souffle dans ses narines. Tout le petit lumière de Dieu et il vient lever le petit doigt et bloquer Dieu. Vous pensez loin de là, quand Dieu veut agir, il agit. Il n'y a pas d'opposition possible à face de lui. J'aimerais que tu dises Amen. Devant la vérité, inclinons-nous. Nous parlons de Dieu d'une manière confuse. Et nous témoignons d'un Dieu faible qui serait notre Dieu que nous le Dieu véritable n'est pas faible. C'est le Dieu fort. Dieu fort. Très très fort. Il s'épuise jamais, ne se fatigue jamais. Invincible par nature. Alonga makate wana lolenge na yazalaka. Rien ne peut le vaincre. Eloko tieko kolonga ye. Mon cher ami. Ninga. J'essaye de te dire qu'on est le vrai Dieu. Nazali komeka kolobela oyeke ye banzambe wa solo. Lorsque Job a essayé de parler de lui. Tango yoba meka kolobana tina na ye. Et cette souveraineté de Dieu. Nabo konzwa nzambe. Regardez en quel terme il a essayé de le dire. Tala lolenge ninga. Dans Job au chapitre 23, la parole de Dieu nous dit ceci. Job 23, qu'élisons-nous? En quel terme il exprime cela? Il dit, verset 10 à 13, et laissez néanmoins quelle voie j'ai suivi. Dieu. Et s'il me prouvait, je sortirai pur comme l'or. Mon pied s'est attaché à ses pas. J'ai gardé sa voix. Et je ne m'en suis point détourné. Voyez à quel point il est témoin de son intégrité. En toute conscience, comment il a marché devant Dieu qui le voit. Il s'est reproché d'ailleurs. Mais malgré ça, Dieu demeure souverain. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Écoutez maintenant verset 13. Mais sa résolution est arrêtée. Qui s'y opposera? Kasi ajali na mokano moko nani akoki kubongola ye. Je veux avoir mené la vie la plus sincère, la plus sûre, la plus pure, la plus sainte. Je kabomo ya sembo ya alimanyo. Je peux prendre Dieu lui-même à témoin. Ako kozanzambe moko lokola matatu. Mais quand il veut faire ce qu'il veut faire. Soki ali kosala ali kosala. Il n'y a ni son passé. Ezali ke tango le tira. Ni son présent. Tango na sasa iki. Ils peuvent le bloquer. Eko ko kanga ye. Quand il veut faire ce qu'il veut faire. Ali kosala ali kosala. Rien ne peut s'y opposer. Je dis amen. Écoutez. Bouka. Sa résolution est arrêtée. Qui s'y opposera? Parce que son âme désire, il l'exécute. Là, c'est le témoignage de Job à la souveraineté de Dieu. Je peux avoir mené une vie aussi pire que celle d'un lice. Aussi innocente devant les humains et devant Dieu lui-même. Mais s'il prend une résolution, comme ici, il a laissé faire le diable dans la vie de Job. Il a laissé le diable aller détruire. Job qui était parfait devant Dieu. Mais qui pouvait s'opposer? Ni le passé de Job, ni le présent de Job, ne pouvait contrebalancer la souveraineté de Dieu. Si Dieu peut traiter les justes de cette manière, quels deviendraient les injustes? Et que Dieu ait des choses à faire dans leur vie. Qu'ils prennent une résolution. Qui peut s'opposer? Et Dieu nous aide chaque jour. Lorsque David rend témoignage à la souveraineté de Dieu, nous trouvons dans les psaumes 115 quels sont les termes que lui aussi à son tour utilise. David dans les psaumes 115. David dit, il nous dit ceci, verset 2 et 3. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? On veut savoir où est-il. Lisez le verset 2. Pour la nini, Bapagano, Bakolobela ete nzambe ya bango ajali sasa epi wapi? Réponse au verset 3. Notre Dieu est au ciel. Nzambe na biso nde ajali na lola. On ne dit pas qu'il est partout. Il est au ciel. Ajali na lola. Il a un trône. Ajali na ngwende. Nous le savons. Biso te ebi yango. Et il fait tout ce qu'il veut. Vous avez la réponse? Il a une adresse. Il a un trône. Le ciel c'est son trône. La terre c'est son marchepied. Et ce Dieu là dans sa souveraineté. C'est un Dieu qui fait tout ce qu'il veut. Quoi que ce soit qu'il voudra, il le fera. Il n'y a rien qui peut le bloquer la prochaine. Reconnaissez-le qu'il en était. Le même David dans le psaume 135. Il continue à rendre son témoignage. Oh mes chers amis. Baninga. Versets 5 et 6. Je sais que l'Éternel est grand. Toi aussi? Est-ce que ton Dieu est grand? Et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Il est super, super. Supérieur. Tout ce que le petit peuple, le petit clan appellerait Dieu, ne vous laissez jamais vexer ni impressionner. Il ne faut rien du tout. Notre Dieu est le plus grand. Il est le supérieur. Il est au-dessus de tous les dieux. Écoutez, tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Sokona lola, sokona mokili, sokona mai monene, sokona bisitana mojindo. Tout ce que notre Dieu lui veut, sachez qu'il le fera. Oui, bah, et à Kosala, yango. Il n'y a rien pour l'empêcher. Pour le dissuader. Il n'y a rien. Et il n'y a rien, vraiment. Il n'y a rien. Alors, quand le Seigneur Jésus nous apprend, à confesser et reconnaître la souveraineté de Dieu, même dans nos prières. Dans nos prières de tous les jours. Nous devons reconnaître la souveraineté de Dieu. Lorsque nous apprenons ça, écoutez la leçon de Matthieu 6. Qu'est-ce qu'il nous dit clairement là? Matthieu chapitre 6. Oh, la souveraineté de Dieu. Quelle merveille. Il a dit ceci, verset 9 et 10. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et ta volonté soit faite. Vous ne devez que parler comme ça dans la prière. Vous devez le dire comme cela. N'essayez pas de changer votre prière. Comme si en changeant de langage, Dieu sera influencé. Dites que la volonté de Dieu soit faite. Parce qu'elle est la volonté d'un souverain. Le seul qui soit souverain. Alors que sa volonté soit faite. Tout ce que notre Dieu veut. Il le fait. Dans les cieux. Sur la terre. Dans les mers, les océans. Partout sous la terre. Tout ce que Dieu veut, il le fait. Et quand nous prions. Comme nous venons de le faire ce soir. Ne prions pas pour changer la volonté de Dieu. Prions pour réinvoquer. Que sa volonté soit faite. Tu seras béni en agissant comme ça. Dieu te soutiendra en demeurant dans la ligne de sa vérité. Voulez-vous tout le temps? Aimez-vous aussi cela? Oui, nous devons aimer cela, mes chers amis. Et cette souveraineté de Dieu doit être reconnue dans notre langage quotidien aussi. Tous les jours, notre manière de parler, nous devons réserver la part d'honneur au Seigneur notre Dieu. Ne pensez pas que vous dépendiez de vous-même. Oh, n'essayez pas d'imaginer cela. Dans Jacques au chapitre 4, reconnaissez que Dieu est souverain. Sa volonté prime au-dessus de tout. La volonté s'impose à toute vie. N'est-ce pas? Dans Jacques 4, verset 10, alors, l'homme dit, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne cherchez jamais à vous égaler au Seigneur, à les concurrencer, à les comparer à des faux dieux. Mais chacun de nous pour sa part, humilions-nous devant sa grandeur. Et lui à sa façon en son temps, elle le fera s'il le fera. C'est vrai. Et nous au verset 13, à 15, à vous maintenant, dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Voyez, ceux qui parlent comme ça ignorent la souveraineté de Dieu. Mais connaissent la souveraineté de Dieu. Ils passent outre la souveraineté de Dieu. Ils crachent sur la souveraineté de Dieu. Mes chers amis, sachez que tout dépend de lui. Pas de toi, ni de moi. Tout dépend de Dieu. Il est le propriétaire et le décideur de l'univers. Lisez la verset 13. Yakani bino bato bojali koloba ete lelo soko lobi toko kende na mboka oyo toko letisa mbula moko wana toko sala mombongo toko zwa litumba. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Voilà votre vie sur terre. Comme une vapeur. Comme une vapeur. Déjà le col à mon pépé, Milinga. Boyebi makambona lobitie. Bomo enabino et jali nini. Bojali bobele londende. Moko monana mwatango moke nasima mokoli moi. Est-ce que ta vie aussi comme ça? Bon, moi, non, le lingue, toi, sœur, toi, frère. Yo, ne tu reconnais que ta vie te reste comme ça. Vous allez bon, moi, non, quand tu ne veux pas le reconnaître, Dieu te l'imposera. Peut-être dans l'au-delà, tu vas te rendre compte. Kuna na libana tango, ta vie sur terre n'était qu'une vape. Bon, moi, non, ma belle, qui apparaît pour un peu de temps. Et qui ensuite disparaît. Toute vie que vous voyez ici. Bon, moi, non, vous allez des enfants et des adultes. Il n'y a rien vraiment, mes amis. Il y a des dieux sur que ça vient. Et c'est pareil à une paire passagère. Ne devenez pas si important. Pourquoi n'oubliez que votre vie n'est qu'une vapeur. Il n'y a là que pour un temps. Et quand ça doit disparaître, il ne faut pas tout un procès. Pourquoi il est mort? Pourquoi seulement maintenant? Mais quand il était né, pourquoi tu n'as pas dit pourquoi il est né? Et pourquoi seulement aujourd'hui? Qui était où? Quand Dieu donné vie à ce corps-là, où était-il? Si je faisais la vie des gens, et ça fait craignez Dieu maintenant. C'est de lui seul que dépend toute vie. La tienne et la mienne ne sont que des vapeurs. Est-ce que tu prends conscience quand tu vas repartir aujourd'hui, parce que ta vie n'est qu'une vapeur? Et celle qu'elle fonctionne là, elle apparaît pour un temps. Et ce temps est très limité. Un jour ou l'autre, elle va s'évaporer. Elle va disparaître. Exactement comme la vapeur que vous voyez au-dessus de votre marmite. Hein, il est sur la cuisinière. Vous préparez vos mets. Lambabilo qu'on a connu. Ça bouillonnait là. On est allé côté il y a une vapeur qui s'échappait du couvercle. On a les allés mon peuple on est allé côté qui n'a pas pensé à venir. Quand vous éteignez le feu. Tant que vous cagnez mon le manipulateur. Yo moto d'aller côté là yango. Vous entendrez le bruit de la casserole régresser. Boko yo kama kele le kuna kata nzuri d'aller côté. Après un temps vous verrez qu'autour du couvercle il s'échappe plus. Tant que mon coco mon azinga mon fini que le côté d'aller côté ma pas venir. La vapeur est passée. L'onéné fini pour les cas. Il y a plus rien pour soutenir. Les allés le côté pour la cosimba. La chose le feu qui était sous la marmite qui soutenait la vapeur a été éteinte. Par conséquent, la, bongo, la vapeur n'est plus rien. Parce que la vapeur n'était pas souveraine. La vapeur n'est jamais venue d'elle-même. Elle n'a jamais existé par elle-même. Elle a commencé quelque part. Elle a reçu existence. Parce que l'homme avait mis en place un mécanisme permettant à la vapeur d'apparaître. Pareillement, Dieu est celui qui donne vie à tous. Il donne vie à toutes les choses. Quand il décide de retirer, il n'y aura plus rien, frère. Que son nom soit sanctifié. Que son règne vienne. Que sa souveraineté vienne. Et que sa volonté soit faite sur la terre. Comme elle est faite là-haut. Tout fidèle doit reconnaître ça. Et être fier de cela. Voyez? Verset 15. Vous devriez dire au contraire. Si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Conditionné tout à Dieu, le seul souverain qui ne dépend de rien. Êtes-vous là? Et quand Frère Brunham a parlé de la souveraineté de Dieu, oh, c'est merveilleux. Il a dit quelque chose ici dans l'exposé de cette église. Et le commentaire qu'elle fait est parti du passage d'Apocalypse 3. Au verset 19. Nous lisons là. Moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Ça c'est Dieu qui parle. Aïe donc l'Israël et répands-toi. Apocalypse 3:19. Oui. Soko na yoki bolingo epaina banani na kopamela bango yonso na kopesa bango etumbu. Vous voyez ce que dit le passage? Il ne dit pas moi je reprends et je châtie tous ceux qui m'aiment. Pas comme ça. Il le vit bongo te ngai na zali kopamela to kobeta bao nonso balingi ngai. La parole du Seigneur est trop précise. Il le vana nzambe zali na siki siki. Ici il dit awa, alo, moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Donc, c'est moi-même qui les aime et je les reprends et je les châtie. Sans dépendre de leur amour pour moi. Qu'ils me disent qu'ils m'aiment ou pas, là n'est pas mon problème, moi l'ange. Je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Mais quand Dieu t'aime, il fera de toi tout ce qu'il veut. Est-ce que tu es fier de dire Amen? Amen. Oh, je t'entends pas bien là. Est-ce que tu es fier de dire Amen à ça? Parce que Dieu t'aime, il fera de toi tout ce qu'il veut. Il te reprendra. Et il te châtiera. Tu n'as pas à le juger. Vous allez à le questionner. Mais tu dois accepter toutes ses voies. Le glorifier pour tout ce qu'il fait. Que l'église dise encore amen. Amen. Aïe donc l'Israël et répands-toi. Maintenant écoutez le commentaire de la souveraineté de Dieu. Et le thème lui-même dans sa souveraineté. Il te reprend dans sa souveraineté. Il te châtie dans sa souveraineté. Toi ne dis rien contre. Non, c'est surtout pas t'opposer. Parce que quand il a résolu d'agir, rien ne va s'opposer. Toute opposition est vaine. Écoutez le commentaire de Frère Brunham. Avec le conseil de l'Église. Page 354. Le premier alinéa. Il dit, examinons la première phrase. Tout ce que j'aime. Dans le texte grec, l'accent est mis sur le pronom personnel, je. Il ne dit pas, Comme beaucoup pensent qu'ils devraient dire, tous ceux qui m'aiment moi. Non, monsieur, n'essayons jamais de faire de Jésus l'objet de l'amour humain dans son verset. Non, ce sont ces sujets qui sont objets de son amour en lui. Lui dans son verset n'est pas l'objet de votre amour humain. Pour que cela l'influence. Et qu'il dise, non, voilà, comme il aime beaucoup comme ceci. Non, il dit, il vous reprend et vous châtie. Écoutez maintenant. Il s'agit de tous ceux qui sont les bien-aimés de Dieu. C'est de son amour dont il est question. Pas de l'autre. Alors, une fois de plus, nous pouvons nous glorifier de son salut. De son dessein. Et de son plan. Et nous sommes encore plus affermis dans la vérité de la doctrine de la souveraineté de Dieu. Son verset vous affermit davantage dans la doctrine de la souveraineté de Dieu. Êtes-vous là? C'est le même Dieu qui a dit dans Romains là, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. Mais lui qui a aimé, sans dépendre des œuvres, ni de quoi que ce soit, il déteste, il sait aussi qui il voudra. Pourquoi ça? Parce qu'il est souverain. Je veux croire qu'il est souverain. Et qu'il peut faire venir dans ta vie tout ce que bon lui semblera. Nous ne pouvons pas interrompre notre adoration à cause des événements qui surgissent dans nos cœurs. Une telle réaction serait de l'impolitesse démesurée. Cet événement m'arrivait, j'arrête de te servir. Je ne veux plus t'adorer. Je n'irai plus à l'église. Non, ça c'est la pire des choses que tu puisses faire. Dieu mérite notre adoration, notre attachement jusqu'au bout. Advienne que pourra, adorons-le. Si tu saisis la souveraineté de Dieu, elle ne sera jamais une pierre d'achoppement sur ton chemin. Il ne faut pas que ce sujet de la souveraineté de Dieu devienne une pierre d'achoppement pour toi. Oh, mais ne m'amenez pas sur ce terrain-là. Non, la parole va t'y amener. Parce que la souveraineté de Dieu, ce n'est pas un point de connaissance. Ça fait partie de la doctrine de l'Église. De la doctrine de Dieu qu'il s'agit. Vous venez à Dieu et reconnaissez qu'il est souverain. Croyez qu'il est souverain. Il l'est sans dépendre de vous. Il est de vos croyants. Il est Azali Ango. Il dit amen. Dieu demeure souverain. Quand toi tu choisis l'incrédulité, ce n'est qu'à toi-même que tu rendras un mauvais service. Dieu ne perd rien. Il demeure ce qu'il a toujours été. Il est le seul souverain. Êtes-vous là? La parole de Dieu est souveraine. Que tu le veilles ou non, il est ça. Que tu cesses de le croire ou pas, il est ça. Il demeure souverain. Et ceci ne doit pas t'achoper. Comment dit Jésus? Heureux celui pour qui je ne suis pas une pierre d'achoppement. Il ne faut pas que notre Dieu devienne un objet de scandale pour toi. Il est bienheureux qu'il soit la pierre d'édification. Nous disons encore amen. Et nous aimons sa vérité. Regardez. Il a agi dans le passé, il a agi au présent. Et maintenant, il nous dit, bon, je suis ici dans mon tabernacle ce soir, mais il reconnaît la souveraineté de Dieu. Dans les sermons, les événements rendus clairs par la prophétie. Le 10 août 1965, je crois. Il dit, au paragraphe 141, il dit, maintenant, je suis dans mon tabernacle ici. Il y a quelques personnes assises ici. Et je connais bien. Mon frère Roy. Et quelques-uns de ceux qui sont assis ici, que je connais bien. Mais il y a beaucoup d'entre vous que je ne connais pas. Et je ne peux pas dire que Dieu fera cela ce soir. Comme si vous avez la maîtrise de tout ce que Dieu doit faire. Vous avez annoncé du pompe aux gens, Dieu fera ceci. Rien ne contrôle Dieu. Il est souverain et fait tout ce qu'il veut. Vous entendez? Nous l'avons vu le faire dans le passé. Pendant des années et des années. Mais il pourrait ne pas le faire ce soir. Je ne sais pas. Cela dépend de lui. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Personne ne peut lui dire ce qu'il doit faire. Asala. Notre Dieu là. Zambe ou abito ana. Personne ne peut lui dire ce qu'il doit faire. Mokoti avec le vilaye, asala nini. Bolo. Donner des bénédictions frère Intel. Namuna tu es le copain de la même assemblée que moi. Azali na eklesa moko lokolangai. Dans ta parole, tu n'es pas injuste. Na vieti na lobanao zali sembo. Non, tu n'es pas injuste. Oh, tu es un Dieu très juste. Et comme tu as donné à son frère, avec qui nous partageons la même foi, je sais que tu vas me donner à moi aussi. Et tu penses que Dieu va agir sur cette base-là. Il a donné à un tel, et c'est lui. Dans ton cas, ça peut être autre chose. Et dire, Seigneur, Hello? Tu as toujours guéri mes enfants quand ils sont malades. Aussi la malades. Si tu ne guéris pas cette fois-ci, je serai obligé de douter de toi. Prière bien insensée. Quand tu vas douter de lui, alors Dieu cessera d'être Dieu. Ne perds pas ton temps. De cette manière-là. Il a déjà guéri dans le passé. Il fait aussi cette fois-ci ne pas guérir. Parce qu'il est fou. Est-ce que vous êtes heureux de le savoir? Vous allez ce n'est pas parce qu'il vous a toujours guéri que la prochaine maladie, il est obligé de vous guérir. Non! Sa souveraineté veut dire, il peut arrêter quand il veut. Il peut ne pas vous donner ce que vous espérez. Même si vous l'attendez avec conviction. Il est souverain. Que sa volonté soit faite. Cela dépend de lui. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Personne ne peut lui dire ce qu'il doit faire. Et quand vous le voyez faire quelque chose, soyez tellement reconnaissant. Dites-lui tellement merci. Quand il a répondu à votre prière. Quand il a fait un geste favorable. Comprenez que dans sa souveraineté, il pouvait ne pas vous l'accorder. Mais toujours dans sa souveraineté, il vous l'a quand même accordé. Parce qu'il fait ce qu'il veut. Soyez reconnaissant. Alors, il dit, personne ne peut lui dire ce qu'il doit faire. Il demeure seul dans sa volonté. Et dans ses voies. Grâce à la voie, il est seul à décider. Il doit passer par là, tu passeras par là. Mais comme il a promis, je lui demande de le faire. En essayant de m'appuyer sur sa promesse. Et ce n'est pas dans notre intérêt. Nous en avons besoin, mais c'est peut-être dans l'intérêt de certains étrangers que le Saint-Esprit pourrait être loin. Maintenant, il pourrait nous wendre. Il pourrait nous wendre. Le Saint-Esprit, il pourrait nous wendre. Maintenant, peu importe combien il mouent. Il doit certainement vous wendre, vous aussi. Pourquoi? Je peux avoir toute la quantité d'onction du Seigneur. Et pas pour la mignon, ça va faire à la chair et vous rentrerez avec vos problèmes. Dieu ne fait pas grâce que la même onction soit aussi sur vous. N'est-ce pas la parole écrite qui dit ça? C'est lui qui nous a fermés avec bon Jésus-Christ. C'est Dieu. Donc l'onction que je reçois, c'est de lui. Je ne peux pas te la donner moi. Il m'a donné ma part. Il te donne aussi ta part. C'est la même façon qu'il fait. Il faudrait qu'il te voie aussi toi. Et si toi et moi nous mettons ensemble notre foi et nos fonctions, alors vous verrez ce qui s'est produit. Voilà pourquoi vous pouvez venir nombreux. Certains rentrent avec leurs solutions. Et d'autres retournent bourrés de leurs problèmes. Pourquoi c'est le problème d'onction? L'un a eu la grâce de la part du Dieu souverain d'être visité et et il était en connexion avec l'onction qui était à la chair. Et cela a produit des résultats. Une différence. Mais l'autre n'a pas eu ça. Il retourne bourré de questionnements. D'incrédulité. Dieu souverain. Qu'il te visite et t'assiste. Il ne dépend de rien. Mais toi, efforce-toi de toujours dépendre de lui. Où qu'il te mène, suis celle-là. Toi qu'il envoie dans ta vie, glorifie-le. En toutes choses, rends grâce à Dieu. Vous voulez faire bien aimé. La souveraineté de Dieu, c'est une doctrine. Sachez que c'est un enseignement obligatoire. Nous ne donnons pas la faculté de choisir ou de refuser. Que vous le refusiez ou que vous l'acceptiez, il est souverain. Que Dieu bénisse cette exhortation dans nos cœurs. Et que ceci inspire notre langage de tous les jours. Chaque mois, chaque semaine. Et quand nous passerons en revue les prières offertes à Dieu cette année, Mon cœur angoissé sous l'œil sévère de Dieu dans la croix seulement numéro 52 m'avait plongé des labos profondes. J'ai crié au Seigneur qui tendrement m'amène au jour d'or. Elle m'a sorti de la boue d'argile. Il a placé mes pieds sur les rocs. Il met un chant dans mon âme ces jours. Un chant de louange, alléluia. Oh, elle m'a sorti de la Bouddha. Jésus m'a, il a placé mes pieds sur les rocs vivants. Il m'est chant dans mon âme en ces jours. Un chant de louange, alléluia. Il m'a placé près de lui sur les rochers. Mes pas sont affermis, j'y demeurerai. Aucun risque de tomber tant que j'y reste jusqu'au couronnement. Je tiendrai pas où il m'a sorti de la Bouddha. Jésus, il a placé mes pieds serrèrent. Pour toujours, il m'est un chant dans mon âme. C'est jour un chant de louange. Alléluia. Oh, il m'a sorti de la poudre. Tu l'as, il a placé mes pieds scellés. Oh, toujours il met un chant dans mon âme. C'est jour un chant de louange. Alléluia. Il m'a donné un nouveau chant de louange. Dont je chanterai les douces notes nuit et jour. Mon cœur débordant, je suis libéré. Je loue mon rédempteur qui m'a secoué. Jésus-Marie, il m'a sorti de la Bouddha. Oh, il a placé mes pieds scellés. Pour toujours, il met un chant dans mon âme. C'est jour un chant de louange. Alléluia. Ah, il m'a sorti de la Bouddha. Amour, il a placé mes pieds sur les rocs. Il met un chant dans mon âme. C'est jour un chant de louange. Alléluia. Je chanterai sa merveilleuse grâce pour moi. Les louerai jusqu'à faire voir sa bonté. Amen. Je chanterai le salut cher pour partout, jusqu'à ce que tous entendent la parole croire. Oh, il m'a sorti de la poudre. Oh, il a placé mes pieds sur les rocs. Il met un chant dans mon âme. Oh, un chant de louange. Alléluia. Oh, il m'a sorti de la Bouddha. Jésus a, il a placé mes pieds sur les rocs. Il met un chant dans mon âme. Un chant de louange. Alléluia. Dieu bien-aimé, notre Père Céleste, nous te disons grand merci maintenant de ce que tu nous fais connaître à tes voix. Nous avons entendu parler de ta souveraineté. Ce n'est pas un mot nouveau pour nous. Mais ta parole est la vérité qui demeure. Merci pour cette vérité. Que tu rappelles à nos consciences. Afin que notre langage, nos attitudes et nos prières tiennent toujours compte de cela. Et que nous puissions nous soumettre à toi et craindre ton nom. Savoir que rien n'est laissé au hasard. Mais tu es le propriétaire de l'univers. Qui décide au sujet de tout. Laisse-nous voir Dieu dans ses œuvres. Laisse-nous voir Dieu chaque jour. Laisse-nous reconnaître Dieu partout Seigneur. Exauce la prière de mon frère. Toutes les supplications qui t'ont été adressées. Que ta volonté soit accomplie. Et que nous en soyons toujours édifiés. Quelle que soit la manière dont cette volonté nous parvient. Nous voulons être édifiés, Seigneur. Et te glorifier en conséquence. bénis cette église. Pambola Église. Sois notre soutien pour le Seigneur. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. J'abandonne chacun à travers ça. Moi, la main duquel personne ne peut délivrer. Tiens tes brebis entre ta main. On m'a dit notre bienveillant Seigneur Jésus-Christ. Mes brebis sont dans les mains de mon Père. Et nul ne les rasira des mains de mon Père. Nous voulons qu'il en soit ici chaque jour. Que nous soyons sous ta haute garde. Des jours comme des nuits. Pendant le veille et le sommeil. Que tes bontés se multiplient. Que tes promesses s'accomplissent. Que tes desseins se réalisent à notre égard. Au nom de Jésus-Christ. Prions et nous croyons. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Et que Dieu vous bénisse. Zambé à Pambola Bino.